retrouver finalement les pièces musicales que nous faisons jouer. Sophie, donc, tu enchaînes. Oui, en Mouloud, alors on va se pencher sur le cas d'une compagnie minière canadienne du nom de Anvil Mining Limited, qui est accusée d'avoir été complice d'exactions en République démocratique du Congo. Le 8 novembre 2010, l'Association canadienne contre l'impunité a déposé une requête devant la Cour supérieure du district de Montréal afin d'être autorisée à exercer un recours collectif à l'encontre de la compagnie Anvil Mining Limited. Et là, CCI accuse la compagnie minière d'avoir soutenu les forces armées congolaises qui elles-mêmes ont été accusées d'avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité à Kilwa en RDC en octobre 2004. Pour mieux comprendre le contexte dans lequel s'inscrit cette requête et les derniers développements dans ce dossier, je me suis entretenue avec Denis Touga de l'Entraide missionnaire. Il faut le rappeler, l'Entraide missionnaire est partie prenante de l'Association canadienne contre l'impunité, le regroupement qui a soumis cette requête à la Cour supérieure du Québec. Donc, on écoute à l'instant l'entrevue avec Denis Touga. C'était la décision de la Cour supérieure du Québec d'avaliser la requête de l'Association canadienne contre l'impunité, le ACCI, à exercer un recours collectif à Montréal contre Anvil Mining Limited. Alors, avant de se pencher sur les impacts de cette décision, j'aimerais, Denis Touga, que vous rappeliez à nos auditeurs et auditrices ce qui s'est passé dans le village de Kilwa en 2004. Oui. C'est un incident qui se situe à l'intérieur d'innombrables incidents malheureux et violents au Congo, suite à la guerre. Ça se passait en 2004, donc presque un an après, comment dire, l'arrêt de la guerre et le début d'une période de transition politique. Donc, normalement, tous les combats devaient être terminés. Alors, ce qui s'est passé, tout simplement, dans ce petit village, éloigné des centres et près de la frontière de la Zambie, Kilwa, le 14 octobre, très tôt le matin, un petit groupe, mais vraiment un petit groupe, 6-7 personnes, se réclamant du mouvement révolutionnaire pour la libération du Katanga, sont entrés dans la ville de Kilwa en déclarant qu'ils venaient libérer le Katanga, faire l'indépendance, et appeler la population à les joindre. Ce petit groupe était mal armé, vraiment très peu discipliné. Le leader était quelqu'un que les gens connaissaient assez bien. C'était un pêcheur du lac Poeto, du lac Moero, plutôt, tout près de Kilwa. Les gens les ont plus ou moins pris au sérieux, sauf que comme il y avait de nombreux groupes armés dans la région, les gens n'ont pas pris de chance. Bon, il n'y a pas eu de résistance. Les 10 et 15 militaires et policiers qui étaient à Kilwa se sont retirés, sans opposer de résistance. Le groupe a rallié des jeunes et peut-être des moins jeunes, mais surtout des garçons, autour d'une centaine pour, comment dire, faire du bruit, faire quelque chose, entrer en mouvement et peut-être avec l'intention de retirer quelque chose de ce mouvement qu'on disait révolutionnaire, comme il pouvait y en avoir ailleurs. Ils se sont donc déplacés en ville, sont allés dans les bureaux de l'UNICEF, des organisations internationales. Ils sont aussi allés dans les bureaux de la compagnie Anvil qui avait un projet minier à plusieurs kilomètres de la ville. Plusieurs, c'est autour de 15 à peu près de la ville, mais qui avait des bureaux sur place puisque c'est un centre, c'est le centre le plus important à proximité de ce projet minier de Dikoulouchi qui était proche de Kilwa. Et ça se fait, ça va comme ça. La population n'accorde pas trop d'importance, mais n'est pas très rassuré puisque la crainte de tout le monde, et c'est une crainte qui dure encore aujourd'hui, c'est de voir l'armée venir apaiser ou venir combattre des groupes rebelles dans ce cas-là, et ça a été le cas au Katanga de nombreuses reprises. Les villageois sont souvent victimes de toutes sortes d'exactions. Bon, ça se passe le 14. Ce groupe, donc, va piller un dépôt de carburant de la compagnie Anvil, va chercher de l'essence ailleurs. Bon, fait ce type d'action. Il y a des petits rassemblements au marché public pour tenter de rallier des gens, mais sans grand succès. Tout ceci se déroule donc le 14. Le 15 arrive l'armée, les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARC, dirigées, commandées par le colonel Ilunga Ademar. bien connu dans la région pour ses manières plutôt radicales et plus expéditives. Quand les gens ont su que le colonel Adhémar arrivait, le village s'est vidé à 80-85% de sa population. Les gens savaient très bien que ce qui se produirait serait dangereux pour leur bien-être, pour leur bien et surtout pour leur vie. Effectivement, le colonel Adhémar a repris la ville après 2 heures d'affrontements, affrontements qui ont été plutôt légers. Lui-même a d'abord bombardé le village et ensuite est entré. Il y a eu une petite opposition. Aucun militaire n'a eu de blessure ou quoi que ce soit. Cependant, une fois que, si on peut dire, le contrôle du village a été établi, il s'en est suivi une opération de pillage et de chasse aux individus qui auraient pu supporter ce mouvement révolutionnaire. On sait ça maintenant parce que la MONUC, la mission d'observation des Nations Unies au Congo, est allée faire une enquête 2 semaines après les événements. 2 semaines après, mais pendant que l'armée y était toujours et faisait bien attention que les enquêteurs de la MONUC ne rencontrent pas les bonnes personnes. Qui s'en est suivi? La MONUC a fait une enquête, mais aussi un groupe de défense des droits du Katanga, la ZADO, l'Association africaine de défense des droits, est allé sur place et a interrogé des gens. Ce que l'on sait maintenant, c'est qu'il y a eu au moins 100 civils qui ont été tués. Parmi ceux-ci, 24 à 30 miliciens. Et là-dedans, on calcule qu'il y aurait eu au moins 28 exécutions sommaires. Des gens qui ont été détenus en prison illégalement, du pillage, de l'extorsion, et les gens sont restés en brousse pendant plusieurs mois avant de vouloir revenir là-dessus. La MONUC, quand elle a fait son enquête, s'est bien aperçue qu'il y avait quelque chose qui était un peu surprenant, c'est-à-dire que les militaires qui sont arrivés d'une garnison qui était à 175 km de ce village avaient été véhiculés, transportés par des camions de la compagnie Anvil Mining. Anvil Mining, et ça, la compagnie l'a admis, avait fourni des camions, des chauffeurs, à payer des salaires à certaines personnes, à transporter des fruits du pillage, et à donner des rations aux miliciens, ou pas aux miliciens, mais plutôt aux militaires qui faisaient l'opération, d'une part. Ça, c'est à partir de Poitou. D'autre part, la compagnie a retiré ses employés, les étrangers, autant que les Congolais, les a transportés vers Lubumbashi par avion. Mais au retour, l'avion a transporté des militaires à partir de Lubumbashi, pour aller renforcer le commandant Adhémar. Et au retour, on a ramené des prisonniers, certains prisonniers. La mission d'observation posait des questions sur, quand même, quelle responsabilité, quel questionnement, quelle diligence, si on peut dire raisonnable, avait établi la compagnie Anvil. Ça, c'est la première. Comment dire, un premier épisode. Par la suite, Channel 4, c'est comme ça que ça s'appelle, un poste de télévision important en Australie, est allé faire une enquête et a interrogé des membres de la compagnie Anvil, dont le directeur général, qui, dans un premier temps, a dit oui, nous, on n'avait pas d'autre chose à faire, on a été obligés de faire ça, à la demande des militaires. Par la suite, plus tard, suite à la diffusion de ce reportage, le responsable de la sécurité, le responsable de la compagnie sur place, qui est un Québécois, M. Pierre Mercier, a plutôt raconté que non, il avait reçu l'ordre de fournir ce matériel par le gouverneur. Et qu'il avait une preuve écrite de ça, qu'il avait reçu une demande expresse. Cependant, cette demande expresse n'a été fournie que quelques semaines après que l'émission a été diffusée. Elle n'a jamais été produite auparavant. Ceci a fait, a suscité les doutes auprès d'organisations de défense des droits au Congo, mais également au niveau international, comme le groupe Right Responsibility and Accountability in Development de Grande-Bretagne, je le dis, la ZADO et d'autres sur place. ça, d'autres groupes, Global Witness, Human Rights Watch et d'autres, qui ont porté l'affaire au niveau international, mais aussi au niveau local. Face au bruit que tout cela a fait, il y a eu un premier procès, quelques années plus tard, en 2007, 3 ans plus tard, à Lubumbashi. Un procès devant une cour militaire. À l'intérieur, devant la cour, il y avait donc ces militaires, Ademar et 9 autres militaires, mais il y avait aussi 3 représentants de la compagnie Anvil qui étaient accusés de complicité, de crime de guerre. À la fin du procès, les 3 civils de la compagnie Anvil ont été exonérés de tout blâme. La cause de complicité de crime de guerre n'a pas été entendue par le tribunal et les neuf militaires ont été relâchés sans accusation et il n'y a que le colonel Ademar qui a eu un jugement et a été condamné à des années de prison. Louise Arbour qui était au Congo à l'époque. Louise Arbour à l'époque était la haut commissaire des droits de l'homme des Nations Unies. Elle a suivi le procès pendant un certain temps et a émis de manière publique les remarques suivantes. Elle s'étonnait que, d'abord, un tribunal militaire juge des civils, d'une part, que le tribunal ait déclaré que les morts ont été la cause accidentelle des faits entourant la guerre, les combats. Et ensuite, elle disait qu'il y a eu des témoins oculaires qui étaient présents dans la salle pendant le procès et la cour ne les a jamais entendus. Elle disait donc qu'il y avait vraiment un déni de justice par rapport à ces victimes. Que le processus, en fait, avait été déficient, là. Absolument. Oui. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième, il y a eu un procès en appel à Kinshasa. Où là, on a absolument refusé d'entendre, un tribunal militaire également, on a refusé d'entendre l'accusation de complicité de crime de guerre. La compagnie Anvil n'a pas du tout eu à se présenter. Ça a été fait très rapidement et le colonel Ademar a reçu une peine plus légère. Et ça s'est terminé là. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres procès ou tentatives de procès qui ont été lancés contre Anvil Mining avant la requête en recours collectif présentée par l'Association canadienne contre l'impunité? Oui. Le groupe s'est formé une association, hein, des gens qui voulaient faire rendre justice aux victimes les événements, mais de fait, c'est le massacre de Kilwa, ont amené la cause en Australie. Et là, cette association, qui n'était pas encore formée telle qu'elle, a tenté de présenter une cause de recours collectif en Australie. Il n'y avait à l'époque que deux cabinets, le cabinet légaux de juristes, qui pouvaient prendre ces causes-là. Ils ont tenté de le faire. Mais Anvil a rapidement demandé s'ils avaient bien l'autorisation des victimes pour qu'ils les représentent. N'ayant pas de documents écrits, les avocats ont tenté de se rendre à Kilwa, mais ont été empêchés par le gouverneur quand ils se sont rendus à Lubumbashi. Donc, ils n'ont pas pu entrer en contact avec les victimes, d'une part. D'autre part, les avocats congolais qui défendaient, qui représentaient à Lubumbashi ces victimes, continuaient de recevoir de manière de plus en plus pressante des menaces de mort. Ce qui fait que le cabinet qui avait pris en charge la cause s'est désisté en disant non, dans ces conditions-là, on ne va pas plus loin. Et en Australie, jusqu'à présent, il ne s'est trouvé aucun autre cabinet pour reprendre la cause. Mm-hmm. Pourquoi? Maintenant, on l'a amené au Canada, au Québec, où on applique le droit civil, oui, qui est similaire à celui du Congo. Et justement, exposez-nous ce que la requête que l'Association canadienne contre l'impunité a déposée dans les tribunaux québécois. Je voulais une requête en recours collectif pour pouvoir mener ce type de recours ici contre la compagnie Anvil. On aurait pu alors juger du fond de l'affaire. Cependant, la compagnie Anvil a plutôt demandé un arrêt de ces procédures et c'est ce qui a été jugé par le juge Emery en cour supérieure l'année passée, qui, suite à un procès qui a duré quand même un bon moment, a rendu un jugement disant oui, le recours a rejeté la demande de la compagnie Anvil et a plutôt accepté, a trouvé qu'il fallait que cette demande de recours collectif ait lieu au Québec. Dans son jugement, il établit qu'il y a un lien suffisant entre la compagnie d'Anvil du Canada, qui a été incorporée en 2005 et s'est installée à Montréal en 2005, et les activités qui se sont déroulées ou les événements. D'une part. D'autre part, le juge disait en conclusion, si on n'entendait pas cette cause au Québec, on affirmerait que les victimes n'ont aucun recours sur la planète. Alors, il disait, non seulement c'est un bon lieu, mais c'est le seul lieu maintenant où les victimes peuvent se faire entendre. Et donc, le jugement est allé en appel, donc à la Cour d'appel du Québec, et les trois juges qui siégeaient ont rédigé leur jugement à la fin janvier, donc il est sorti tout dernièrement, je crois, le 24 janvier dernier. Donc, qu'est-ce que la Cour d'appel a dit? Elle casse le jugement de la Cour supérieure et avec les motifs suivants. Pour donc les trois juges de la Cour d'appel, le lien entre l'établissement du Québec et les événements qui se sont déroulés en 2004 n'est pas suffisant, n'est pas établi. Et là, c'est une discussion juridique qui a prévalu, d'une part. Deuxième argument, il y a d'autres lieux que le Québec. Pour eux, le fait qu'il était impossible d'avoir un procès de cette manière en Australie, là où était ou est toujours la maison mère de Anvil, pour eux, ça n'avait pas été suffisamment prouvé que les victimes ne pouvaient pas retourner là-bas. Et comme troisième lieu, disait, il y a toujours possibilité d'avoir un recours au Congo en droit du côté civil, selon l'avis d'un expert congolais sur place. Et ceci est totalement en contradiction avec ce que Louise Arbour disait d'une part et ce que un groupe d'enquête des Nations Unies a établi en 2010 à propos de cette affaire et à propos d'autres affaires similaires en disant que non, les tribunaux ne sont pas indépendants. L'émission du politique à l'intérieur du secteur juridique est vraiment très importante. La corruption est très forte. Donc, il est très difficile d'avoir une justice nette là-dessus. Alors, ce faisant, l'association a donc décidé d'aller en Cour suprême, puisqu'on trouve que les arguments de la Cour d'appel ne sont pas valides. Mm-hmm. Et pourquoi, selon vous, ce recours est important? Il serait le premier recours au niveau international, d'abord au niveau canadien, et ensuite, je pense, au niveau international, où une compagnie aurait à répondre à des accusations de complicité de crimes de guerre. Pour moi, il n'y a qu'un seul cas autre qui s'est produit pendant la dernière guerre, c'est le syndicat des cheminots de la gare de Lyon, qui a été condamné pour complicité de crimes de guerre pour avoir laissé transporter des Juifs vers les camps de concentration sans s'y être opposé. Bon. Depuis ce temps, il n'y a pas eu ce type de cause de complicité de crimes de guerre. Ça, c'est un. L'autre chose, c'est la reddition de compte, l'imputabilité des entreprises minières qui est souvent critiquée ici et ailleurs dans le monde, pour les entreprises canadiennes parce qu'elles sont les plus nombreuses dans les pays en développement, entre autres, mais ailleurs également, l'imputabilité qui est très difficile à obtenir ici même. Les compagnies s'en sortent toujours, très bien avec les gouvernements locaux, les gouvernements régionaux et les gouvernements nationaux dans les pays en voie de développement qui ne demandent qu'à recevoir des investissements étrangers. Mais pour plusieurs cas d'abus de toutes sortes, des violations des droits de la personne, des dommages à l'environnement, des évictions forcées de personnes et d'autres, et de corruption, l'imputabilité des entreprises jusqu'à présent est impossible ici au Canada, à l'exception appel ici, bon, un organe de l'OCDE qui s'appelle le point de contact national, qui est tout à fait léger, hein, qui ne va pas lancer, qui ne va vraiment pas en profondeur et qui est tout à fait volontaire. Les gens y adhèrent ou non, selon leur bonne volonté. Et selon vous, est-ce que bon, une situation comme Enville Mining, est-ce que ça pourrait potentiellement relancer le débat sur la pertinence d'avoir une loi au Canada qui encadrerait les activités des compagnies minières à l'étranger, comme le projet de loi qui avait été débattu il y a quelques années, je crois qu'il s'appelait le projet C-300, mais qui est mort au feuilleton, malheureusement. Exactement, oui. Il y a un vide ici au niveau juridique sur cette imputabilité. Et malgré, pas la bonne volonté, mais malgré l'effort, la mobilisation des gens un peu partout sur la planète pour qu'il y ait une convention internationale qui protège les gens, qui force les entreprises, je le dis bien, qui force les entreprises à rendre des comptes dans un lieu qui peut les entendre correctement, malgré tout ça, il est encore épouvantablement, il est presque impossible d'obtenir ce type de cause ou ce type d'audition et ce type de jugement. Tout ce qui existe maintenant, mais vraiment tout, autant au niveau des Nations Unies que de la législation canadienne, tout ça est volontaire. Et selon des normes qui sont toutes volontaires, mais qui sont multiples et appliquées selon le bon usage et la bonne volonté des entreprises. I'm